Comment les sciences habitent-elles le monde? Dans notre rapport qu'on dit parfois moderne ou contemporain au monde, qui est peut-être en effet déshumanisé en grande partie et pour certaines raisons qu'il faut approfondir, nous avons une certaine tendance à accuser la science et la technique de cette déshumanisation du monde et de cette incapacité des humains modernes à construire un habitat, un monde accueillant, un monde habitable. Ainsi, la première phrase, très célèbre, d'un livre très important et fondamental de Maurice Merleau-Ponty, accuse-t-il la science de ce renoncement dans le prolongement d'un certain Martin Heidegger qu'on est surpris de voir Merleau-Ponty lui-même suivre sur ce point. Je cite cette phrase de L'œil et l'esprit, ce texte de 1960 que Merleau-Ponty a publié un an avant sa mort. Ce texte est le suivant, « La science manipule les choses et renonce à les habiter. » Voilà ce que ferait la science. La science comme entreprise purement technique, disons une grue, une pince, on a l'image de voilà la pince, le microscope qui saisit l'objet, qui construit peut-être des choses, mais qui renonce à les habiter, à leur donner un sens humain. C'est ce que dit Merleau-Ponty et qui nous explique que cette technique ne nous donne plus la profondeur du monde et des choses, la profondeur des êtres humains. La science serait responsable d'un monde devenu inhabitable. Heidegger, de façon peut-être plus poétique, mais en fait peut-être plus violente, l'avait dit autrement. Habiter le monde, c'est dépasser le rapport aux objets, le rapport vital aux objets, le rapport utilitaire aux objets, c'est se rapporter au sens, à l'être du monde, et non pas vouloir le manipuler ou le maîtriser. On accuse ainsi Descartes, qui veut se rendre maître et possesseur de la nature, d'avoir ainsi détruit un rapport désintéressé, poétique et métaphysique qui serait celui d'habiter le monde. Mais cette accusation des sciences et des techniques d'avoir déshumanisé, rendu le monde inhabitable, est-il si juste, est-il si fatal surtout? Est-il vraiment le fondement même de la science? Merleau-Ponty lui-même allait un peu plus loin. En tout cas, il dit pour la science classique, il a une petite réserve. Il dit, mais la science classique gardait le sentiment de l'opacité du monde. C'est lui qu'elle entendait rejoindre par ses constructions. Il y a donc quand même un doute. La science ne quitte le monde que pour mieux le rejoindre. Et aujourd'hui, ce que nous découvrons, c'est que certaines sciences peuvent en effet détruire le monde, mais elles sont quand même rejointes par d'autres sciences qui nous permettent de comprendre comment l'habiter. En particulier la biologie, les sciences de la biodiversité nous montrent réellement pourquoi nous avons besoin d'habiter le monde en vivant, pourquoi le monde fait partie des conditions de la vie humaine. Il n'y a pas à opposer une science inhabitable et une métaphysique de l'habiter transcendant. Non, habiter le monde, c'est être des vivants avec des outils, avec des techniques, c'est construire des lieux, des maisons, des routes aussi, mais des routes qui ne détruisent pas, qui nous permettent au contraire de nous relier à nous-mêmes et à la vie.